Je ne ferai pas de long discours après ce long évangile chez saint Marc que nous venons de lire. Simplement, nous venons de traverser ce que nous allons vivre au cours de la semaine qui s'offre à nous. Nous allons être invités non pas à vivre une certaine intellectualisation de notre foi, mais nous sommes appelés au cours de cette semaine sainte. Nous sommes appelés à suivre Jésus, à être avec cette femme chez Simon le lépreux qui vient oindre le Seigneur Jésus, à sentir l'odeur de cette huile sur les pieds de Jésus, à être de ce centurion romain qui s'interroge en voyant ce qu'il a fait vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu, à nous mettre dans le reniement de saint Pierre pour goûter au refus de Jésus dans nos cœurs, à venir aussi nous plonger au pied de la croix avec les saintes femmes, pleines d'espérance, une espérance qui semble pourtant abattue, à, avec Simon et avec Joseph d'Arimathie, à aller récupérer le corps de Jésus. Nous sommes invités, frères et sœurs, à travers toute la liturgie de cette semaine, à goûter, à toucher, à sentir, à éprouver dans notre cœur ce que tous ces témoins ont vécu avec Jésus. Nous voulons suivre concrètement le Seigneur Jésus. Et nous verrons ce que le Seigneur nous dira. Nous verrons bien ce que le Seigneur veut nous transmettre cette année. Quelle parole il veut nous donner, quelle guérison il veut nous faire vivre. Quelle grâce il veut nous accorder. Frères et sœurs, mettons-nous à sa suite. Nous aurons cette semaine, nous vous présenterons un peu le programme de la Semaine Sainte à la fin de l'office, l'opportunité de vivre tout cet évangile, on va pouvoir le vivre. Mais prenons le temps de le faire. Dieu parle au cœur qui lui laisse du temps, au cœur qui lui sont disponibles. Alors, ne prenons pas de grand rendez-vous cette semaine. Le grand rendez-vous, il est déjà fixé. Il est même fixé à chaque jour. C'est de offrir du temps, plus de temps, au Seigneur pour goûter, sentir, toucher, éprouver ce qu'il a à me dire. Notons ces rendez-vous dans notre calendrier, dans notre agenda, parce que le Seigneur nous attend. Et laissons-nous saisir par ce que nous découvrirons.